talk to you, baby. Fais essayer, mais rien n'y fait. Ton destin ne pourrait s'écrire sans le tien. J'ai mal au cœur et tout ça par amour.